Le maréchal Kim Jong-un a envoyé le 1er juillet une couronne mortuaire devant le cercueil du défunt Lee Won-kyung, lauréat du prix Kim Il-sung et académicien, professeur, docteur et chercheur de l'université Kim Il-sung, en signe de ses profondes condoléances.